Julianus Rasputin avait des théories sur les infiltrations dans les démocraties. Il fonda une célèbre société secrète avec des saltimbanques et des raseurs de crête. Un jour, une demoiselle croisa ce personnage, ce grand professeur sorti d'un autre âge. Elle découvrit bien vite qu'il enseignait les sciences, mais loin des éprouvettes, ils firent connaissance. Bienvenue aux noces du capitaine Rasputin et de sa princesse Alice la Mutine. Lui avait un gris-gris qu'il portait sur la tête. Elle lui venait des dieux ou du diable peut-être. Son intelligence lui venait de cette mèche. Seule sa douce pouvait caresser sa cabèche. Pour elle, point d'amulette, mais un lapin virtuel avec montre à gousset. C'était presque irréel. Les Whiskerolles et Pratt ont dû s'y mettre à deux pour écrire ce beau conte de nos deux amoureux. Bienvenue aux noces du capitaine Rasputin et de sa princesse Alice la Mutine. L'histoire ne le dit pas, ils avaient un grand cœur, même s'ils étaient amis, à deux fiefés voleurs. Soi-disant troubadour qui faisait danser partout où la cervoise coule à volonté. Mesdames et messieurs, damoiseaux, damoiselles, approchez, approchez, surtout vous les pucelles. Vous êtes tous conviés au mariage du roi.